بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس في الشرح والتعليق على كتاب صلاة التراويح من صحيح الإمام البخاري. Bienvenue aux chers frères et sœurs dans ce cours. Nous allons continuer, inshallah ta'ala, l'explication du chapitre de la prière du Tarawih tiré de Sahih, le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. وقد رأينا في الدرس الماضي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها في قيام النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في رمضان ثم تركه لذلك. Nous avons vu lors du cours précédent une des narrations du hadith de Aïcha radiallahu anha concernant la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons durant le mois de Ramadan en groupe et le fait qu'il ait délaissé cela par la suite. Wa qabla an nantaliq ila hadithin akhar, هناك رواية من حديث عائشة ذكرها البخاري رحمه الله في الباب لم نقرأها بالأمس فنقرأها اليوم. Et donc avant d'aborder un autre hadith, donc toujours dans ce même chapitre, il y a une autre narration du hadith de Aïcha radiallahu anha que l'imam al-Bukhari rahimahullah a cité dans ce chapitre. Donc juste après la narration qu'on a lue hier, il cite l'imam al-Bukhari une autre narration que on n'a pas lu hier et qu'on va lire aujourd'hui, inshallah ta'ala, avant d'aborder le hadith d'après. Il nous dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah, وحدثني يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث ابن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا. Et donc l'imam al-Bukhari rahimahullah nous cite le hadith de Aïcha radhiyallahu anha avec la chaîne de transmission qui monte jusqu'à Aïcha, qui monte jusqu'à Urwa ibn Zubayr, et que Urwa qui nous dit que Aïcha radhiyallahu anha, elle lui a informé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti durant une nuit, au milieu de la nuit, donc en pleine nuit, et qu'il a prié dans la mosquée. Qu'il a prié dans la mosquée et des hommes ont prié avec lui. C'était lui qui dirigeait la prière. Lorsqu'ils se sont retrouvés à l'aube, les gens ont parlé. Fennas tahaddath, où les gens ont commencé à parler. Fajtama'a aktharu minhum. Et donc, le lendemain, il y a donc plus de gens qui se sont rassemblés. Vu qu'ils en ont parlé, plus de personnes se sont rassemblées. Et il a prié, sallallahu alayhi wa sallam, et les gens ont prié avec lui. Alors, les gens, lorsqu'ils se sont retrouvés à l'aube, ils ont parlé. Ils ont aussi cité donc ce qu'ils ont fait avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le nombre des personnes de la mosquée a augmenté lors de la troisième nuit. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam فَسُلِّيَ بِصَلَاتِهِ. Alors, le prophète, la troisième nuit, il est sorti, sallallahu alayhi wa sallam, et les gens ont prié avec lui aussi. فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاتِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. Ensuite Aïcha radiallahu anha, elle nous dit, lors de la quatrième nuit, la mosquée n'était pas suffisamment grande pour accueillir le nombre de personnes qu'il y avait. Les gens se sont rassemblés. Ils ont attendu jusqu'à ce que, donc à tel point, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte pour la prière du sobh. Donc la prière du matin, il n'a pas prié la nuit avec eux. Et lorsqu'il a fini la prière du fajr, il s'est tourné vers les gens, fait ashahad. Et donc il a attesté que la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Et ensuite il a dit amma ba'd. Certes, j'étais au courant de votre situation, j'étais au courant de ce que vous faisiez. Cependant, j'ai craint que celle-ci, donc la prière de nuit en groupe, ne vous soit rendue obligatoire et que vous ayez l'incapacité de l'assumer. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort et donc dans cette situation, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça donc jusqu'à sa mort. فهذه الرواية فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثلاث ليالي ثم امتنع في الرابعة. Et donc il y a dans cette narration du hadith de Aïcha la parole claire montrant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prié trois nuits avec ses compagnons. Le hadith qu'on a vu hier, c'était un peu douteux. Trois ou quatre nuits. Non, là, c'était sûr, il a prié trois nuits avec ses compagnons et la quatrième nuit, à ce moment-là, il n'est pas sorti. Wa fi hadhihi riwaya anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam baqiya ala dhalika hatta mat. Il y a dans cette narration la précision que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué comme cela jusqu'à sa mort. Et c'est-à-dire le fait de ne pas faire la prière du tarawih en groupe. Ce qui appuie le fait que ce n'est pas obligatoire. Ce qui appuie le fait que ce n'est pas obligatoire. Ensuite, l'auteur, il nous dit, rahimahullah, haddathana Ismail. Kale haddathani malikun an sa'idin al-makburi. An abi salamata ibn abdirrahman. أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. Il nous dit l'imam al-Bukhari rahimahullah, Ismaïl m'a rapporté que Malik lui a rapporté selon Saïd ibn al-Makburi, selon Abi Salama ibn Abdirrahman, qui dit qu'il a interrogé عائشة رضي الله عنها en disant comment était la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant le Ramadan. Donc il a interrogé Aïcha radiyallahu anha concernant la prière de nuit durant le Ramadan. Faqalat ma kana yazidu fi Ramadan wa la fi ghayrihi ala 11 rak'a. Et donc Aïcha radiyallahu anha a répondu en disant il ne rajoutait pas Il n'accomplissait pas plus que 11 unités durant Ramadan et non plus durant les autres mois. La fi Ramadan wa la fi ghayrihi. Et donc, durant Ramadan et durant les autres mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accomplissait pas plus que 11 unités. Yusalli arba'an, fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Il priait donc 4 unités. Et n'interroge pas, ne demande pas concernant la perfection de ces unités et la longueur de ces unités. Attention, 4 unités ici, ça ne veut pas dire 4 d'un coup, mais ici, 2 par 2. Comme on a vu précédemment, par exemple, le Tarawih, où les compagnons, ils accomplissaient, donc, ils priaient 2 unités, et ensuite, ils se reposaient. Il y avait une pause. Et c'est pour ça qu'on a appelé Tarawih et Tarawih, donc, comme on a vu précédemment. Et donc, Aïcha radiallahu anha, après, elle continue, elle dit, ثُمَّ يُصَلِّ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَتُولِهِنَّ. Et ensuite, après cela encore, il accomplissait 4 unités et n'interroge pas, ne demande pas concernant leur perfection et concernant leur longueur. Donc, elles étaient longues, c'était de longues unités. Il priait longtemps le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثُمَّ يُصَلِّ ثَلَاثًا. Elle continue, Aïcha radiallahu anha, puis il accomplissait 3 unités. Et donc, 4 plus 3. On est à 11. Fakultu. Et donc, Abi Salama, il dit, j'ai dit, ou du moins, excusez-moi, Aïcha, Aïcha, elle dit, j'ai alors dit, Ya Rasulallah, Etanamu qabla an tutir. Ô messager d'Allah, est-ce que tu dors avant de prier le witr? Qala ya Aisha, inna ayniya tanamani wa la yanamu qalbi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Aisha radiyallahu anha en disant: Ô Aisha, certes mes deux yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas. Mais mon cœur ne dort pas. Tayyib. أيها الإخوة، هذا الحديث استدل به من قال بعدم جواز الزيادة على 11 ركعة في التراويح. Oh, chers frères et sœurs, ce hadith, donc les savants qui voient qu'il n'est pas permis d'accomplir plus de 11 unités pendant le taraouih, ils se sont appuyés sur ce hadith. Ils se sont appuyés sur ce hadith pour dire qu'il n'est pas permis d'accomplir plus de 11 unités. وَاسْتَدَلُّ أَيْضًا بِحَدِثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ. Et ils se sont aussi appuyés sur le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, qui nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui a accompli un acte qui ne respecte pas notre ordre, son acte est rejeté. وكذلك استدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Et aussi ils se sont appuyés sur la parole du prophète, sur l'ordre du prophète صلى الله عليه وسلم, qui nous dit: priez comme vous m'avez vu prier. Et donc le prophète Aïcha qui nous dit que le prophète ne rajoutait pas plus de 11 unités, et le prophète qui nous dit: priez comme vous m'avez vu prier. Et donc ils se sont appuyés sur ces preuves pour dire qu'il n'est pas permis d'accomplir plus de 11 unités durant le tarawih. وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ جَاءَ مُتَأَخِّرًا. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que cet avis des savants, il est venu tard. Cet avis, il est venu tard. Ce n'était pas un avis qui était donc au début, les premières générations. فَإِنَّ مَذْهَبَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ جواز الزيادة على 11 ركعة واختلفوا في الأفضل. Car certes, le madhhab, donc le choix des quatre imams est la permission, la licéité du fait d'accomplir plus de 11 unités durant la prière de la nuit. Mais ils ont divergé concernant le nombre prioritaire, ce qui est le mieux d'accomplir. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أخذ بأحد المذاهب الأربعة في هذه المسألة فقد أحسن. Et certes, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a cité que celui qui prend un des avis des quatre écoles dans ce sujet, il a bien fait. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de mal à cela. لأنّ وذلك لأن الأمر في عدد ركعات قيام الليل واسع. Et cela car en fait le sujet concernant le nombre d'unités qu'il y a à accomplir pendant la prière nocturne, ce sujet-là, eh bien le choix est libre dans ce sujet-là. Le choix est libre dans ce sujet concernant le nombre d'unités que nous allons accomplir. فقد أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح فصلى واحدة. Et certes, Al-Sheikhan al-Bukhari et Muslim, ils ont cité dans leur recueil As-Sahihain, selon Ibn Omar radiallahu anhuma, qu'un homme a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant la prière nocturne. Celui-ci a alors dit: mathna mathna. La prière nocturne s'accomplit deux par deux. Et si vous avez peur du sobh, de l'aube, c'est-à-dire si vous avez peur que l'aube arrive pendant que vous êtes en prière, alors si vous avez peur de cela, alors accomplissez une unité. Alors accomplissez une unité. Wa hadha al-hadith yadullu ala anna al-amra fi adad ar-rak'at qiyam al-layl wasi'. Wa innama al-matlub an tusalla mathna mathna. Et ce hadith, il nous montre donc que le nombre de rak'at, le nombre d'unités à accomplir, qu'on peut accomplir dans la prière de nuit, cela est au choix. Cela est au choix. Le choix est libre. Cependant, donc, ce qui a été précisé dans ce hadith, c'est le fait d'accomplir ces unités deux par deux. وأخرج عبد الرزاق في المصنف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على 21 ركعة يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر. عبد الرزاق il a cité dans son مصنف que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a rassemblé les gens pendant le Ramadan derrière Ubay ibn Ka'b et aussi derrière Tamim ibn al-Dari, donc la prière qui était accomplie avec ces deux imams, Ubay ibn Ka'b et Tamim al-Dari, pour accomplir 21 raka'ah. Pour accomplir 21 unités, il récitait donc par 100. Il récitait par 100 et il finissait un peu avant l'arrivée du Fajr. Il finissait un peu avant l'arrivée du Fajr. Fajama'a Omar al-Muhajirin wal-Ansar ala 21 raka'a wa Aisha allati rawat anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yazid ala 11 raka'a hayyatun fi zamani Umar ila an mat radiyallahu anhu wa lam yarid أنها أنكرت عليه ولا غيرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc c'est Omar radiallahu anhu, il a rassemblé les muhajirin ainsi que les ansar parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a tous rassemblés donc pour accomplir 21 unités. Et certes, Aïcha radiallahu anha, celle qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli plus de 11 unités, Aïcha, elle était vivante à l'époque de Omar radiallahu anha, jusqu'à la mort de Omar radiallahu anha. Et il n'a pas été rapporté que Aïcha a fait le reproche à Omar. Et il n'a pas été rapporté qu'un autre des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le reproche à Omar radiyallahu anhum. Wa hadha yadulluna ala anna as-sahabata radiyallahu anhum lam yafhamu min kawni an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yazid ala 11 raka'a anna dhalika la yajuz. Et cela nous montre clairement que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum, ils n'ont pas compris du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas prié plus de 11 unités pour la prière nocturne. Ils n'ont pas compris de cela que cela n'est pas permis. Ils n'ont pas compris de ceci que ce n'est pas permis. Lidha, qalat il ulama bi anna al-afdal 11 raka'ah. Et c'est pour cela que les savants ils nous disent que le mieux, la meilleure chose à faire, c'est d'accomplir 11 unités. C'est ça la meilleure chose à faire. Lakin, an naqula bi adami jawaz az-ziyada fala. Cependant, le fait de dire que ceci n'est pas permis, alors non. Alors non. La taraun anna as-sahabata radiyallahu anhum kanu yusalluna jama'atin mutafarriqah. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ثم لا يخبرهم بعدم جواز الزيادة. Ne voyez-vous pas que les compagnons, ils priaient, ils faisaient la prière nocturne en plusieurs groupes, donc séparés, parfois un homme qui prie tout seul ou parfois plusieurs, mais pas un grand nombre. Et donc ils priaient séparément à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui savait cela, il ne leur a pas fait le reproche. أليس هذا دالا على أن الأمر فيه واسع؟ Cela ne montre-t-il pas qu'en réalité on a le choix? On a le choix quant au nombre de rak'at. لأنه لو كانت الزيادة محرمة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا. Car si le fait de rajouter plus que 11 unités était interdit, si cela était interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait montré clairement. particulièrement quand il a été interrogé concernant la prière nocturne, et qu'il a dit maintenant, maintenant, deux par deux. Amma hadith, sallu kama ra'aytumuni usalli, fa huwa hujjatun 'ala al-qa'ilina bi 'adami al-jawaz, la wa laysa hujjatan lahum. En ce qui concerne le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Priez comme vous m'avez vu prier », alors ce hadith est une preuve contre ceux qui disent qu'il n'est pas permis de rajouter plus de 11 unités. Ce n'est pas un hadith, ce n'est pas une preuve pour eux, mais c'est une preuve contre eux. « Li'annana law fahimna hadha al-haditha ala itlaqihi, fa la yanbari an nansa ma qalathu Aishatu radiyallahu anha » فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. Car si nous devons comprendre ce hadith comme il a été cité textuellement, et si nous devons comprendre de ce hadith qu'on ne peut pas rajouter plus de 11 unités, alors à ce moment-là, nous ne devons pas non plus oublier la parole de Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle dit dans ce même hadith, elle nous dit, n'interroge pas, ne demande pas concernant la perfection de ces unités et concernant leur longueur. هل تطيلون في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في قيام الليل? Est-ce que vous faites long durant la prière comme le prophète صلى الله عليه وسلم le faisait durant la prière nocturne? أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. L'imam muslim, il a cité dans son sahih selon Hudhayfa رضي الله عنه, qui dit, j'ai accompli la prière durant une nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai prié une nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé avec al-Baqara. Donc la première unité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la Fatiha, il commence avec Al-Baqara. Qultu yarka'u 'inda al-mi'ah. Hudhayfa il dit, et donc je me suis dit, il va se prosterner, ou il va s'incliner au bout de 100 versets à peu près. Au bout de 100 versets à peu près, il va s'incliner. Thumma mada. Qultu yusalli biha fi raka'a. Puis le prophète, il a continué. Donc il ne s'est pas incliné au bout de 100 unités, au bout de 100 versets. Il ne s'est pas incliné, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Hudhayfa dit, je me suis dit, il va prier avec celle-ci. Et donc, il va prier, il va accomplir une unité avec Al-Baqara. C'est ce qu'il s'est dit, Hudhayfa. Fa'mada, fa'kultu yarka'u biha. Alors, Hudhayfa nous dit, mais il a continué. Alors j'ai dit, il va s'incliner avec celle-ci. Et donc il était surpris, Hudhayfa, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fini de réciter le Baqara pendant la première unité, et qu'il continue. Summa ftataha an-nisa fa qara'aha. Puis il a commencé donc sourate an-nisa, et il l'a lu entièrement. Donc le Baqara et an-nisa dans une même unité. Thumma ftataha ala imran fa qara'aha. Puis il a commencé ala imran et il l'a lu entièrement. Le Baqara, an-nisa, ala imran, entièrement. Yaqra'u mutarassilan idha marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Il lisait donc lentement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il s'arrêtait à chaque verset. Et lorsqu'il lisait un passage dans lequel il y avait tasbih, le fait de dire subhanallah, alors il disait subhanallah. Wa idha marra bi su'alin sa'al. Et s'il lisait un passage, il récitait un passage où il y avait une question, une demande, alors il demandait. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذْ. Et s'il lisait un passage dans lequel il y avait un ta'awwud, le fait d'implorer la protection, le refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors il le faisait. Et donc, il ne lisait pas vite, sallallahu alayhi wa sallam, pour finir Al-Baqara, An-Nisa, Al-Imran. Non, mais ça connaît du temps. Thumma ja'ala yakulu subhana rabbi al-azim. Wa fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Et ensuite, il a dit subhana rabbi al-azim. Ça, c'était donc. Ensuite, il s'est incliné. Et il a commencé à dire subhana rabbi al-azim. Donc, lorsqu'il était donc incliné. Et son inclinaison était comme ça. Comme sa station debout. Le même, donc lorsqu'il était debout, il a récité le Baqara, An-Nisa, Al-Imran. Son inclinaison, elle était comme sa station debout. Thumma qala sami'allahu liman hamida. Ensuite, il s'est relevé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sami'allahu liman hamida. Thumma qama tawilan qariban mimma raka. Après avoir dit Sami Allahu liman hamida, il est resté debout longtemps, proche du temps qu'il a accompli lors de l'inclinaison. Thumma sajada fa qala subhana rabbi al-a'la. Puis il s'est prosterné et il disait subhana rabbi al-a'la fa kana sujuduhu qariban min qiyamihi. Et sa prosternation, elle était proche, donc le temps de la prosternation était proche du temps de la station debout. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهذه الكيفية وهو الذي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي وليس هناك أحد من العلماء يقول بوجوب الصلاة بهذه الكيفية بل كل من يطيقه. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a dit prier comme vous m'avez vu prier, c'est aussi lui qui a prié de cette façon que je viens de vous réciter. Et certes, il n'y a aucun des savants qui dit qu'il est obligatoire d'accomplir la prière de cette façon, mais peu nombreux sont ceux qui ont la capacité de le faire. Lihada. قال كثير من العلماء إن من طول في القيام والركوع والسجود فالأفضل له أن يصلي بإحدى عشرة ركعة. Et c'est pour cela que beaucoup de savants, ils nous disent que celui qui fait long durant la prière, dans sa station debout, son inclinaison, sa prosternation, celui qui prie long, qui prie donc longuement, alors le mieux pour lui c'est d'accomplir 11 unités. Le mieux pour lui est d'accomplir 11 unités. Wa man lam yutawwil fal afdalu lahu an yusalliya bi akthara min dhalik. Cependant, celui qui fait court, alors le mieux pour lui est d'accomplir plus d'unités que cela. Le mieux pour lui est d'accomplir plus d'unités que cela. Wa min huna yufhamu al-khata alladhi waqa'a fihi kathirun min ikhwanina. حيث منعوا أنفسهم من الخير فامتنع بعضهم من حضور التراويح في المسجد النبوي لكون الإمام يزيد على 11 ركعة فمنع نفسه من هذا الخير. Et donc, et à partir de là, on comprend l'erreur dans laquelle sont tombés pas mal, beaucoup de nos frères qui se sont privés d'un grand bien. Ils se sont privés de participer à la prière du Tarawih à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car l'imam accomplissait plus que 11 unités. Ils se sont donc privés de ce bien. Wa minhum man lam yaktafi bidhalik bal yara akhahu yusalli wa yazidu ala 11 rak'a fa yuqifuhu wa yaqul la taf'al al-qawl as-sahih kadha wa kadha. Et parmi eux, il y a ceux qui vont faire pire que cela encore. Ils ne se suffisent pas de cela. Ils vont voir leur frère qui va prier, qui va accomplir plus de 11 unités. Ils vont l'arrêter. Stop! Ne fais pas ça, ne fais pas ça. La vie le plus juste, c'est ça et ça et ça. Il va donc priver son frère. Ya akhi, imtana'ta anta min az-ziyada. Hadha khassun bik. Oh mon frère, tu t'es privé toi. Tu t'es privé toi-même d'accomplir plus que 11 unités. Ça te concerne toi. Ça te concerne toi. فَإِذَا رَأَيْتَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَأْخُذُ بِالْقَوْلِ الَّذِي اخْتَرْتَهُ أَنْتَ فَلَا تُلْزِمْهُ بِرَأْيِكَ. Si tu vois un musulman qui n'a pas choisi, qui n'a pas le même avis que celui que tu as choisi, alors n'impose pas les gens, n'impose pas ton avis aux gens. N'impose pas ton avis aux gens. Khassatan, an al-qawla bi ziyada huwa qawlu 'ammati ahli al-'ilmi wa huwa qawlu sahabati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Particulièrement que l'avis qui stipule qu'il est permis de faire plus de 11 raka'a, plus de 11 unités, c'est l'avis de la grande majorité des savants. Et c'est l'avis des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Excusez-moi, j'ai fait un peu plus long aujourd'hui. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayra.